إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous remercions Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous permettre de se réunir dans ce type d'assises dans lesquelles nous écoutons les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous essayons de les comprendre et d'en tirer des leçons. Nous en sommes arrivés dans cette série de 40 hadiths concernant les droits du Seigneur des mondes au hadith numéro 13. الحديث الثالث عشر عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة والحديث متفق عليه. نتكلم حديث حديث عائشة رضي الله عنها qui rapporte que Umm Salama et Umm Habiba lui ont rapporté ou qu'elles ont questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elles ont raconté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'elles ont vu une église quand elles étaient en Abyssinie et que celle-ci contenait des images, des représentations. Il lui dit alors, ces gens-là, lorsqu'un homme vertueux ou un prophète décédait, il construisait un lieu de prière sur sa tombe et il façonnait de telles images, de telles représentations. Ils sont les pires des créatures auprès d'Allah. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Umm Salama, la mère des croyants, Hind, bintu Abi Umayya, Al-Makhzoumiya, Al-Qurashiya, radiallahu anha. Elle décéda en l'an 62 de l'Hégire. Umm Salama raconta cette histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de la maladie de sa mort. Elle raconta ce qu'elle a vu dans la première hégire, première émigration des musulmans, il est al-Habasha, en Abyssinie. Comme vous savez, au début de l'islam, les musulmans étaient persécutés à la Mecque. Et il n'y avait pas de terre d'islam pour les accueillir. Donc ceux qui n'avaient pas de protection des grandes familles des Quraysh, des grandes familles arabes de la Mecque, ont fui en Abyssinie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit qu'il y avait un roi là-bas, chrétien, le Négus, al-Najashi, qui était juste dans son royaume. Alors ils ont fui en Abyssinie. Et Umm Salama a raconté ce qu'elle a vu pendant ce voyage. Elle a vu cette église dans laquelle il y avait des représentations. Donc elle a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qu'elle a vu. Ce hadith prouve clairement l'interdiction d'adorer Allah près des tombes des vertueux et des prophètes. Même si l'adoration n'est pas vouée à autre qu'Allah, elle est vouée à Allah, mais dans un lieu ou devant une tombe qui peut être prise après cela comme adoration en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est ce qui est arrivé à travers les temps. À travers les temps, à travers les siècles, à chaque fois qu'il y avait des hommes pieux qui mouraient, et que les gens, pour se rappeler d'eux, même comme à l'époque de Nuh, alayhi salam, avant Nuh, les gens ils avaient fait des représentations des hommes pieux pour se rappeler de leur piété. Puis, les générations sont passées et peu à peu, ils les ont pris en adoration en dehors d'Allah. Voilà pourquoi les représentations sont un danger pour le monothéisme, pour le tawhid. Car ils mènent, les images représentées peuvent mener à les agrandir, à les vénérer, puis à les adorer. De même les tombeaux. Si des tombeaux surélevés sont faits et que ces tombeaux sont pris comme lieu de prière, alors au début peut-être les premiers qui prient là-bas n'auront pas de croyance spécifique en cette tombe, puis ceux qui viendront après penseront qu'il y a une bénédiction dans cet endroit, puis ceux qui viendront après adoreront la tombe. Et l'invoqueront en dehors d'Allah. Donc, l'islam est venu fermer toutes les portes, toutes les causes, tous les moyens menant au pire des péchés qui est l'associatrie, le polythéisme. Le fait de donner un associé à Allah dans son adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré que cette pratique était répandue chez les chrétiens. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans leur lieu d'adoration. Cela n'a pas changé. Et qu'ils avaient l'habitude de faire cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les personnes qui font cela, qui construisent des lieux d'adoration au-dessus des tombeaux ou auprès des tombeaux de leurs saints ou de leurs prophètes, sont les pires des créatures. Elles sont les pires des créatures auprès d'Allah. Car c'est un péché énorme qu'elles ont fait. Elles sont la cause de mener les gens au polythéisme, à l'associatrie, donc à l'enfer. On voit dans ce hadith qu'il est permis de parler de ce que font les mécréants comme erreur pour prendre garde et ne pas les imiter en cela. Pour prendre garde et ne pas les imiter en cela. Il y a dans ce hadith la mise en garde contre le fait de façonner des images, des représentations et d'ériger des effigies, car tout ceci est un moyen qui mène à l'associatrie et au polythéisme. Il y a aussi comme leçon à tirer de ce hadith que celui qui construit une mosquée sur la tombe d'un vertueux, il est parmi les pires des créatures auprès d'Allah, même si son intention était bonne. Même si son intention était bonne. Car dans le haram, dans ce qui est illicite, on ne prend pas en compte l'intention de la personne. Ce qui est illicite est mauvais, même si l'intention de celui qui commet cet acte illicite était bonne. L'intention est prise en compte pour les bonnes actions. Car une bonne action n'est comptée comme telle que si elle est accompagnée d'une bonne intention. Sans intention saine, il n'y a pas de bonnes actions. Ce sont des actes et des paroles sans valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ou tout simplement permises. Par exemple, les choses licites de la vie qui ne sont pas des choses ni obligatoires, ni interdites, ni recommandées, ni détestables, comme manger, s'habiller, ou les choses licites de la vie. Celui qui les fait sans intention, il n'a ni péché, ni récompense. Mais celui qui les fait avec une intention pieuse, avec l'intention de se renforcer pour l'adoration d'Allah, par exemple, ou autre, alors il sera récompensé. Donc l'intention est prise en compte pour les obligations, pour les actes recommandés et pour les actes licites, qui transforment les actes licites en bonnes actions. Car cet acte licite a été accompagné d'une bonne intention. Par contre, pour les actes détestables et les actes interdits, ces actes-là sont détestés auprès d'Allah, que l'intention soit bonne ou non, donc on ne prend pas en compte l'intention pour cela. Le 14e hadith, le hadith al-rabi'u ashar, an Abi Hurairah radiyallahu anhu, annahu qala qila ya Rasulallah, man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه. Ce 14e hadith, le hadith d'Abu Huraira رضي الله عنه, qui a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم, au messager d'Allah, qui est le plus digne de ton intercession le jour du jugement dernier? C'est-à-dire, qui mérite plus ton intercession au jour du jugement dernier? Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre, celui qui dit « La ilaha illallah » il n'y a nul Dieu digne d'être adoré excepté Allah. Sincèrement, du fond de son cœur, est celui qui mérite le plus mon intercession. L'intercession, en langue arabe, elle est nommée al-shafa'a. Al-shafa'a. Al-shafa'a, ça vient de al-shaf'a. Al-shaf'a, huwa dammu shay'i ila mithlihi. Al-shaf'a, c'est de rejoindre deux choses, de réunir deux choses équivalentes. Et dans la langue, et ce qui est voulu ici par al-shafa'a, l'intercession, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède, demande à Allah tabaraka wa ta'ala de plusieurs choses, en fait on va voir, plusieurs choses pour les gens de sa communauté. Cette intercession, elle est de plusieurs catégories. Il y en a une Il y en a certaines qui sont spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y en a d'autres qui sont communes à tous les croyants pieux. Mais en finalité, personne ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa volonté. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Comme Allah Ta'ala dit dans Ayat al-Kursi, qui donc intercédera auprès de lui si ce n'est par ta volonté? Et l'intercession qui est valide, qui est reconnue en islam, c'est l'intercession d'une personne qui est agréée auprès d'Allah. Premièrement, la personne qui intercède, c'est une personne qu'Allah agrée. Deuxièmement, cette intercession, c'est un moyen d'honorer cette personne qu'Allah agrée. C'est un moyen de l'honorer en lui permettant d'intercéder. Troisièmement, elle ne se fait que par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Personne ne peut intercéder sans la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quatrièmement, elle ne peut se faire que envers une personne qu'Allah agrée. Sauf une situation que l'on va citer. Qu'envers une personne qu'Allah agrée. Et cinquièmement, que pour une chose qu'Allah a permise. Donc en finalité, tout ceci revient à la volonté d'Allah. Mais c'est un moyen d'honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis les serviteurs pieux, certains serviteurs pieux qui intercéderont le jour du jugement dernier ou au paradis. On voit dans ce hadith que déjà le croyant reconnaît qu'il y a une intercession pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est cité dans le Coran et ceci est cité dans les hadiths authentiques, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera. On voit aussi l'obligation de la sincérité dans ses actes. Car celui qui n'a pas été sincère ne sera pas parmi ceux qui méritent l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui mérite le plus son intercession est celui qui a dit la ilaha illallah sincèrement du fond de son cœur. On peut tirer de ce hadith aussi la gravité de l'ostentation et qu'elle est une cause d'être privé de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier. On peut tirer aussi de ce hadith la valeur du noble compagnon Abu Huraira radiallahu anhu. Pourquoi? Car il a eu cette science, cette sagesse de poser la bonne question. Poser une question est un art, demande une certaine science. Savoir poser les bonnes questions pour tirer la conscience utile. Et ceci aujourd'hui a été perdu chez la majorité des musulmans. La raison, c'est qu'ils n'ont pas été éduqués dans les assises de science, avec les personnes de science. Donc ils n'ont pas appris les règles de bienséance et la politesse qui devance l'apprentissage de la science. À partir de là, toute question qui leur passe par l'esprit, ils la posent. Ils ne se demandent pas si cette question est utile ou inutile, si cette question va les rapprocher d'Allah ou les éloigner d'Allah, s'ils ont vraiment une utilité, si ça va les augmenter dans leur foi, dans leur connaissance d'Allah, dans leur pratique religieuse ou non. Il a une question qui lui passe dans la tête, il la pose. Parfois même, la plupart de ces questions proviennent de Shaytan, mais il la pose. Alors que la question à poser, c'est celle qui est utile. Celle qui est utile. Premièrement, par respect envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Par respect envers sa religion. Que l'on pose que les questions qui vont nous être utiles auprès d'Allah. Et non pas par une curiosité mal placée. Deuxièmement, par respect envers la personne qu'on questionne, ne pas lui faire perdre son temps alors que cette question ne va pas être utile pour nous. C'est juste pour combler notre curiosité. C'est pour cela que l'on trouve que certains salafs, certains parmi les imams des pieux prédécesseurs, ils détestaient les questions iftiradiyya, pour les situations improbables ou supposées. Quand ils venaient leur poser des questions, et supposons qu'il arrive telle chose, comment je devrais agir? Alors, les savants les rejetaient, leur disaient, quand arrivera cette chose, tu viendras poser la question. Pourquoi cela? Parce que quand on ouvre cette porte, que se passe-t-il? Le musulman ne se concentre plus sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire le moment présent. Comment il va fructifier au mieux le moment présent? Il est là à poser des questions sur des suppositions, des choses qui pourraient peut-être arriver ou ne jamais arriver. Ou bien des choses qui ne le concernent même pas. Qu'est-ce qu'Allah va faire de telle et telle personne le jour du jugement dernier? Ça change quoi pour toi? C'est Allah qui va... Allah tabaraka wa ta'ala, s'il a décidé de le châtier, tu vas faire quoi? Et s'il a décidé de lui faire miséricorde, tu vas faire quoi? Ça change quoi pour toi? Rien. Donc au lieu de te poser des questions sur ce qu'Allah va faire, pose-toi des questions sur ce que tu devrais faire, toi, pour faire partie des gens qu'Allah tabaraka wa ta'ala va agréer le jour du jugement dernier. Ça c'est un piège de shaitan, poser des questions comme ça. Elles ne finiront jamais ces questions-là. Mais elles ne t'augmentent ni ta foi, ni t'aident à te corriger, ni t'aident à avancer. Elles ne font même que te faire reculer. Donc, Shaytan est vigilant pour te faire perdre ton temps, pour faire éparpiller ton esprit, que tu ne sois pas concentré sur le moment présent, comment fructifier au maximum ton temps et tes œuvres maintenant. Alors il va te faire perdre dans les souvenirs du passé. Ah, c'était bien dans le passé, il fut un temps dans le passé. Ça y est, c'est fini. Tu ne peux plus y revenir. Qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al. Ça y est. C'est pour ça que l'islam nous a enseigné cela. Qaddar Allahu ma sha'a fa'al. Allah l'a destiné ainsi et ce qu'il a voulu, il l'a fait. Point. Tourne la page. Tire-en une leçon, tourne la page. Entre les gens qui sont à regretter, j'aurais dû faire comme ça, mais si j'avais fait ça, et si j'avais fait ça, et si, qui ouvre la porte de Shaytan. Ou dans les faux espoirs du futur. Plus tard je serai pieux, plus tard je serai savant, plus tard je serai un bon mari, une bonne épouse, un bon enfant, plus tard. Et maintenant, qui te dit qu'il y aura un plus tard? Personne. Pendant ce temps-là, le temps qui est devant toi, que tu pourrais fructifier, tu ne fais rien. Tu le laisses passer. Donc dans cette même optique, les questions religieuses, celles qui ne t'aident pas à te concentrer sur le moment présent et à le fructifier, mets-les de côté. Elles sont inutiles pour toi. Car le seul moment sur lequel tu peux agir par la volonté d'Allah, c'est le présent. Le passé, la seule chose que tu peux faire, c'est en tirer des leçons et demander pardon à Allah si tu as fait des erreurs. Et remercier Allah si ce s'est bien passé. Et le futur, tu ne peux que placer ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala et avoir une croyance complète et une certitude complète sur la destinée. Et que le rizq, il est dans les mains d'Allah. Ce n'est pas la peine d'avoir peur. Ton rizq, ta subsistance, ta part, ta portion est écrite. Place ta confiance en Allah, fais les causes dans le bien. Et ne crains pas le futur. Crains plutôt tes péchés. Crains tes mauvaises actions. Car elles sont la cause de ta perte. Donc dans ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Abu Huraira, a posé cette bonne question. On a fait cette parenthèse en disant que on a vu là la vertu et la valeur d'Abu Huraira, car il a posé une bonne question. Et c'est comme ça que le musulman doit être, poser une bonne question. Ô messager d'Allah, qui mérite le plus ton intercession aujourd'hui, je m'en dis. Ça, c'est une question en or qui sert à tout croyant, celui qui dit la ilaha illallah sincèrement du fond de son cœur. Donc, une incitation à la sincérité. Les intercessions du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier sont tout d'abord la grande intercession qui est spécifique à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sera l'intercession en faveur des gens qui sont réunis le jour du jugement dernier afin qu'Allah les juge et les soulage de cette attente et de cette situation terrible. La deuxième, c'est son intercession en faveur de ceux qui devront entrer au paradis pour qu'ils y entrent. La troisième, c'est son intercession envers ou en faveur des pécheurs qui méritaient de passer par l'enfer, mais des pécheurs parmi les croyants, parmi les mouahidines, afin qu'ils n'entrent pas en enfer. La quatrième intercession, c'est son intercession en faveur des pécheurs qui seront déjà entrés en enfer afin qu'ils en sortent et entrent au paradis. La cinquième intercession, c'est son intercession en faveur des habitants du paradis afin qu'Allah Ta'ala leur donne des plus hauts degrés que ceux qu'ils ont eus. La sixième, qui est spécifique au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est son intercession pour son oncle paternel Abu Talib afin d'alléger son tourment en enfer. Le 15e hadith, le hadith al-khamis ashar, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu, an al-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal: la adwa wa la tiyara wa yu'jibuni al-fa'l. Qal: wa ma al-fa'l? قال كلمة طيبة. متفق عليه. أنس بن مالك رضي الله عنه rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a ni contagion ni mauvais augure, mais le bon présage me plaît. On demanda au messager d'Allah: qu'est-ce que le bon présage? Il répondit: c'est la bonne parole. Dans ce hadith, et d'autres hadiths qui vont dans le même sens, d'autres hadiths qui disent il n'y a pas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a ni contagion, ni mauvais augure, ni safar, ni roule, comme ils disent le roule. Le roule, je crois qu'ils disent même en français, ils le disent le goule. C'est le monstre avec lequel ils font peur aux enfants. Ils disent: attention, fais pas ça, sinon le roule, il va venir. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam annule toutes ses croyances. Premièrement, pas de contagion. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cela veut dire que l'islam ne croit pas en la contagion? Non. L'islam n'appelle pas à croire plutôt à la contagion en elle-même. C'est-à-dire que la maladie peut agir sans la volonté d'Allah. Elle est contagieuse en elle-même. Ceci est rejeté. Ta preuve, il y a une personne malade, 5 personnes assises avec elle, 2 sont contaminées et 3 non. Si la contagion agissait de sa propre volonté, tout le monde serait contaminé. N'est-ce pas? Donc Allah tabarak wa ta'ala a fait que la contagion ne peut agir que par la volonté d'Allah. On pourrait comprendre de ce hadith que la contagion n'existe pas. Mais d'autres hadiths viennent prouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prendre des gens en bonne santé et de les mélanger avec des personnes malades. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de ne pas entrer dans une terre dans laquelle il y a la peste et de ne pas en sortir. Donc, en réunissant tous ces hadiths, on comprend mieux ce qui est voulu par cela. C'est d'annuler et d'annihiler les croyances qui existaient à l'époque pré-islamique, dans le Jahiliya, dans lesquelles ils croyaient que la maladie, la contagion, agissait d'elle-même, indépendamment de la volonté d'Allah et de sa destinée. Et c'est ceci que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annulé. Pas de contagion. Aussi, toutes les mauvaises croyances. Al-tiyara. Al-tiyara, ça vient de tayr, l'oiseau. Comme disent en français, un oiseau de mauvais augure. Donc, pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude, les Arabes, quand ils voyaient certains oiseaux, d'avoir mauvais augure. Ou bien ils jetaient un oiseau, s'ils partaient à gauche, ils disaient on ne va pas en voyage, s'ils partaient à droite, ils allaient en voyage, par exemple. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejeté cela. Cela n'est pas spécifique aux oiseaux. Si quelqu'un utilise aujourd'hui un poisson, ou n'importe quel animal, ou être vivant, ou être mort, ou alors un être inanimé même, qu'il y attache une croyance ou une augure, ceci est interdit et contradictoire à la croyance de l'islam. Il y a aussi l'invalidité de croire que les corps célestes, comme les étoiles ou autres, peuvent avoir une influence sur l'univers ou sur les hommes ou autres. Dans ce hadith, on apprend aussi l'obligation de placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et de n'espérer et de craindre que lui, subhanahu wa ta'ala. Cela fait partie de la concrétisation du monothéisme, du tawhid, que de prendre garde aux moyens qui mènent au polythéisme et à l'associatif. Ibrahim alayhi salatu wa salam, qui est Khalilullah, le plus aimé d'Allah, ou parmi les plus aimés d'Allah. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi jnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Innahunna adlalna kathiran min al-nas. Ô mon Seigneur, préserve-moi, éloigne-moi, ainsi que ma descendance, d'adorer les statues. Car elles ont égaré vraiment beaucoup de gens. Subhanallah, Ibrahim qui a cassé les statues de ses propres mains, qui est un des prophètes les plus aimés d'Allah, ou le plus aimé d'Allah après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il demande à Allah de le préserver de la tentation des statues. Donc, en réalité, cela montre que celui qui a atteint le monothéisme pur et qui a concrétisé le monothéisme, il a peur du shirk. Il a peur du polythéisme, de l'associatif. Et il demande à Allah de le protéger contre l'associatif. Et il prend garde à tous les moyens qui mènent à l'associatif et au polythéisme. Dans ce hadith aussi, il y a le rejet de toutes les mauvaises augures, que ce soit lié aux couleurs ou aux chiffres. Par exemple, ceux qui disent que telle ou telle couleur est de mauvais augure, ou un animal de telle couleur est de mauvais augure, ou les chiffres, les gens qui ont peur de certains chiffres. Tout ceci est rejeté par l'islam. Mais à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yu'jibuni al-fa'al ». Le bon présage me plaît. Qu'est-ce que le bon présage ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu lui-même, qu'est-ce que le bon présage? La bonne parole. C'est-à-dire que quand on entend une bonne parole, on a une bonne opinion d'Allah tabarak wa ta'ala. Et il est obligatoire aux croyants d'avoir une bonne opinion d'Allah. Je vais vous donner un exemple de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cela. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été faire la Umrah et qu'il en a été empêché, et qu'ils se sont arrêtés à Al-Hudaybiyah, aux limites de la sortie de l'entrée de la Mecque, qu'ils ont envoyé quelqu'un pour signer le pacte de Hudaybiyah. Et celui qui a été envoyé, il s'appelait Suhail. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en entendant Suhail qui veut dire la facilité, il a eu un bon présage, c'est-à-dire qu'Allah va faciliter. C'est ça la mise en pratique de ce hadith. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait que par exemple une vallée portait un bon nom, il avait une bonne opinion d'Allah et un bon présage, et il préférait passer par cette vallée plutôt qu'une autre vallée, un autre chemin. Donc ceci ne fait pas partie du mauvais augure. Le mauvais augure, c'est tout ce qui concerne le mal. La crainte d'être touché par un mal. Qu'on s'empêche de faire quelque chose par crainte d'être touché par un mal. Par contre, et ceci est contradictoire à ce que le croyant doit avoir comme sentiment vis-à-vis d'Allah. Car ceci montre que la personne a une mauvaise opinion d'Allah. N'a pas de bons sentiments envers Allah. Croit que Allah ne va pas l'aider. Croit que Allah va lui faire des difficultés. Et ceci est contradictoire à ce qu'Allah nous a ordonné d'avoir une bonne opinion de lui. Voilà donc la différence entre le mauvais augure et le fa'l, le bon présage. Le bon présage n'est pas interdit en islam, au contraire, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait. Le bon présage. Mais l'islam a rejeté le mauvais augure. عن عمران بن حسين رضي الله عنه السادس حديث الحديث السادس عشر عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن عقد عقدة أو قال عقد عقدة ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Donc ce 16e hadith, selon Imran ibn Hussein رضي الله عنه, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: n'est pas des nôtres celui qui consulte les augures ou demande qu'on les consulte pour lui, qui pratique la divination ou demande qu'on la pratique pour lui, qui pratique la sorcellerie ou qui demande qu'on la pratique pour lui, celui qui se rend chez un devin et croit en ce qu'il lui aura dit aura mécru en ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre ces choses-là, car elle dit ne fais pas partie des nôtres, ne fais pas partie des nôtres. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'une chose ne fais pas partie des nôtres celui qui fait cela, cela prouve que c'est un grand péché. Ce grand péché peut aller jusqu'à la mécréance majeure ou moindre que cela. Donc, il annonce que ne fait pas partie de ses adeptes, des bons croyants, qui suivent les règles de la loi islamique, celui qui consulte les augures, qui pratique la divination ou la sorcellerie, ou qui demande qu'on la pratique pour lui. Car ces pratiques impliquent une prétention de connaître l'invisible, ce qui appartient exclusivement à Allah tabarak wa ta'ala. En outre, s'engager dans de telles pratiques corrompt les croyances et corrompt les esprits. De plus, celui qui croit en quoi que ce soit de ces choses aura rejeté et mécru en la révélation divine qui a été envoyée pour annuler ces fausses croyances pré-islamiques et préserver les raisons de ces fausses croyances. Rentre dans ce jugement ceux qui pratiquent la sorcellerie, la divination, l'astrologie ou tout autre acte dans lesquels ils prétendent connaître l'invisible. Dans ce hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui va voir un devin et le croit dans ce qu'il lui aura dit aura mécru à ce avec quoi a été envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que cela veut dire que la personne qui croit en un devin en croyant qu'il est passé par des causes et non pas qu'il a la possibilité de connaître l'invisible par lui-même. Est sorti de l'islam ? Non. S'il croit qu'il connaît l'invisible de lui-même ou qu'il fait des actes de lui-même, dans ce cas, il sort de l'islam. Si par contre, il croit qu'il fait des causes, par des causes, il connaît des choses de l'invisible, mais c'est des causes qu'Allah a créées, il a fait un acte d'associatrie mineure. Mais pendant 40 jours, sa prière ne sera pas acceptée. Pendant 40 jours, comme il est vu dans un hadith, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours, s'il a été le consulter ou l'écouter. De même, pour celui qui consulte les astrologues, ou tout type de devin ou de sorcier dans ce type-là. Donc on voit la gravité et l'interdiction formelle de prétendre connaître l'invisible. Celui qui prétend connaître l'invisible de lui-même a mécru dans l'islam. Celui qui prétend connaître l'invisible par des causes, ou qui ment, qui dit que c'est Allah qui lui a fait connaître par telle ou telle cause, celui qui le croit, celui qui croit en lui, on ne dit pas qu'il a mécru, s'il croit qu'il est passé par des causes. Par contre, la personne qui fait de la sorcellerie, ou qui prétend connaître l'invisible, ou qui travaille avec les démons, alors cette personne, bien sûr, est sortie de l'islam. Surtout tous les sorciers et toutes les personnes qui prétendent vous aider à régler vos problèmes, alors qu'en réalité, ils ne sont pas capables de régler leurs propres problèmes. Wallahu musta'an. Et ils arrivent à tromper les gens en mélangeant le faux au vrai, en récitant certaines paroles du Coran et en y mélangeant des paroles de polythéisme, ou en écrivant certaines paroles du Coran et en y mélangeant des paroles de polythéisme et d'associatrie ou de mécréance. Il est donc interdit aux musulmans de croire en toutes ces personnes-là ou de s'en approcher. Il y a de nouvelles formes aujourd'hui de ces pratiques-là, comme l'hypnose, comme les gens qui prétendent être les... comment ça s'appelle ? Magnétiseurs. Car en réalité, ces personnes-là, en réalité, ne travaillent qu'avec les démons. Ils ne travaillent en réalité qu'avec les démons. Ou les personnes qui veulent que vous portiez certains bracelets qui auraient des pouvoirs. Tout ceci est contradictoire aux croyances d'un musulman qui sait que seul Allah tabarak wa ta'ala décide des choses et que ces choses-là ne sont pas des causes. Les bracelets ou ce type de pratiques qui ne sont pas des pratiques concrètes, réelles, qui relèvent d'une partie cachée. Alors, l'islam a rejeté toutes ces causes-là. Et on ne prend pas en compte le fait que certains disent « Oui, mais ça marche. Oui, mais ça fonctionne. » Si ce ne sont pas des causes palpables, comme par exemple un médicament, qui est une cause claire et palpable, ou une intervention chirurgicale, ou une plante qui est une cause claire et palpable et compréhensible, alors on ne dit pas que les choses dans lesquelles ils interviennent, qu'ils font intervenir des pouvoirs invisibles ou ils prétendent qu'il y a une énergie qui circule dans le corps, comme la médecine chinoise par exemple, on ne peut pas prétendre ces choses-là, on ne peut pas croire ces choses-là. Même, on est au contraire, nous sommes dans l'obligation de rejeter ces croyances. Car ce sont des affirmations sur l'invisible sans science. Sans science. Et le danger, c'est que certains musulmans apprennent par exemple ces sciences-là et sont touchés après par ces croyances. Si quelqu'un apprend la médecine chinoise juste pour la pratiquer, parce qu'il a été prouvé que mettre une aiguille à tel et tel endroit a un effet positif. Il n'y a pas de mal. Mais aller de là à... En plus, même les points qui sont cités, par exemple, dans la médecine chinoise, sont très proches des points cités dans le hijab. Le hijab. C'est les mêmes points qui sont utilisés. Mais aller croire... Comme croient les gens de la médecine chinoise traditionnelle qu'il y a une énergie qui circule dans le corps et qu'en mettant l'aiguille à tel et tel endroit, il régule l'énergie ou il l'envoie au bon endroit. Ceci est du mensonge pur et simple. Et ce sont des croyances contradictoires aux croyances islamiques dans lesquelles on n'a pas le droit d'affirmer des choses sur l'invisible sans preuve. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Barakallahu fikum de votre présence et de votre participation. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.